Un instant après, nous vîmes un détachement d'environ 30 hommes, composé de sapeurs du Génide et pontonniers. Je les reconnus pour ceux que nous avions pris à Orca, où ils étaient en garnison. Ce détachement, commandé par 3 officiers, et qui n'était avec nous que depuis 4 jours, n'avait pas souffert. Aussi paraissait-il vigoureux. Il marchait dans la direction de la Bérézina. Je m'adressai à un officier pour savoir où était le quartier impérial. Il me répondit qu'il était encore en arrière, mais que le mouvement allait commencer et que nous allions dans un instant voir la tête de la colonne. Il nous dit aussi de prendre garde à notre cheval, que l'ordre de l'empereur était de s'emparer de tous ceux que l'on trouverait, pour servir à l'artillerie et à la conduite des blessés. En attendant la colonne, nous le cachâmes à l'entrée du bois. Je ne saurais dépeindre toutes les peines, les misères et les scènes de désolation que j'ai vues et auxquelles j'ai pris part, ainsi que celles que j'étais condamné à voir et à endurer encore, et qui m'ont laissé d'ineffaçables et terribles souvenirs. C'était le 25 novembre. Il pouvait être 7 heures du matin. Il ne faisait pas encore grand jour. J'étais dans mes réflexions lorsque j'aperçus la tête de la colonne. Je la fis remarquer à Picard. Les premiers que nous vîmes paraître étaient des généraux, dont quelques-uns étaient encore à cheval, mais la plus grande partie à pied, ainsi que beaucoup d'officiers supérieurs, débris de l'escadron et du bataillon sacré, que l'on avait formé le 22, et qui, au bout de 3 jours, n'existaient pour ainsi dire plus. Ceux qui étaient à pied se traînaient péniblement, ayant presque tous les pieds gelés et enveloppés de chiffons ou de morceaux de peau de mouton, et mourant de faim. L'on voyait, après, quelques débris de la cavalerie de la garde. L'empereur venait ensuite, à pied, et un bâton à la main. Il était enveloppé d'une grande capote doublée de fourrure, ayant sur la tête un bonnet de velours couleur amarante, avec un tour de peau de renard noir. À sa droite marchait également à pied le roi Murat. À sa gauche, le prince Eugène, vice-roi d'Italie. Ensuite, les maréchaux Berthier, prince de Neuchâtel, Ney, Mortier, Lefebvre, ainsi que d'autres maréchaux et généraux, dont les corps étaient en partie anéantis. À peine l'empereur nous avait-il dépassé, qu'il monta à cheval, ainsi qu'une partie de ceux qui l'accompagnaient. Les 3/4 des généraux n'avaient plus de chevaux. Tout cela était suivi de 700 à 800 officiers, sous-officiers, marchant en ordre et portant dans le plus grand silence les aigles des régiments auxquels ils avaient appartenu, et qui les avaient tant de fois conduits à la victoire. C'étaient les débris de plus de 60 000 hommes. Venait ensuite la garde impériale à pied, marchant toujours en ordre. Les premiers étaient les chasseurs à pied. Mon pauvre Picard, qui n'avait pas vu l'armée depuis 1 mois, regardait tout cela sans rien dire. Mais ses mouvements convulsifs ne faisaient que trop voir ce qu'il éprouvait. Plusieurs fois il frappa la crosse de son fusil contre la terre, et de son poing sa poitrine et son front. Je voyais de grosses larmes couler sur ses joues et retomber sur ses moustaches où pendaient des glaçons. Alors, se retournant de mon côté, « En vérité, mon pays, je ne sais pas si je dors ou si je veille. Je pleure d'avoir vu notre empereur marcher à pied, un bâton à la main. Lui si grand, lui qui nous fait si fiers. » En disant ces paroles, Picard releva la tête et frappa sur son fusil. Il semblait vouloir par ce mouvement donner plus d'expression à ses paroles. Il continua. « Avez-vous remarqué comme il nous a regardés ? » Effectivement, en passant, l'empereur avait tourné la tête de notre côté. Il nous avait regardés comme il regardait toujours les soldats de sa garde, lorsqu'il les rencontrait marchant isolément, et surtout dans ce moment de malheur, où il semblait, par son regard, vous inspirer de la confiance et du courage. Picard prétendait que l'empereur l'avait reconnu, chose bien possible. Mon vieux camarade, dans la crainte de paraître ridicule, avait ôté son manteau blanc qu'il tenait sous son bras gauche. Il avait aussi, quoique souffrant de la tête, remis son bonnet à poil, ne voulant pas paraître avec celui en peau de mouton que le Polonais lui avait donné. Le pauvre Picard oubliait sa triste position pour ne plus penser qu'à celle de l'empereur et de ses camarades, qu'il lui tardait de voir. Enfin parurent les vieux grenadiers. C'était le 1er régiment. Picard était du 2nd. Nous ne tardâmes pas à le voir, car la colonne du 1er n'était pas longue. Suivant moi, il en manquait au moins la moitié. Lorsqu'il fut devant le bataillon dont il faisait partie, il avança pour joindre sa compagnie. Aussitôt l'on entendit « Tiens, l'on dirait Picard !»« Oui, répondit Picard, c'est moi, mes amis, me voilà, et je ne vous quitte plus qu'à la mort !» Aussitôt la compagnie s'empara de lui, pour le cheval, bien entendu. je l'accompagnais encore quelque temps pour avoir un morceau de l'animal, si on le tuait. Mais un cri partant de la droite de la compagnie se fit entendre. « Le cheval appartient à la compagnie, puisque l'homme en fait partie. »« C'est vrai, dit Picard, que j'appartiens à la compagnie. » Mais le sergent qui en demande sa part a descendu le cavalier qui le montait. Alors, dit un sergent qui me reconnaissait, il en aura. Ce sergent faisait les fonctions du sergent-major, mort la veille. La colonne étant arrêtée, un officier demanda à Picard d'où il venait et comment il se trouvait en avant, vu que ceux qui, comme lui, escortaient le convoi, étaient rentrés depuis 3 jours. La halte dura assez longtemps. Il conta son affaire, s'interrompant à chaque instant, pour demander après plusieurs de ses camarades qu'il ne voyait plus dans les rangs. Ils avaient succombé. Il n'osait demander après son camarade de lit, qui était en même temps son pays. À la fin, il le demanda. « Et Rougeau, où est-il ? » « À Krasnoé, répondit un tambour. « Ah, je comprends. » « Oui, continua le tambour, mort d'un coup de boulet qui lui coupa les deux jambes. « Avant de nous quitter, il t'a fait son exécuteur testamentaire. « Il m'a chargé de te remettre sa croix, sa montre et un petit sac de cuir. » Renfermant de l'argent et différents objets. En me les remettant, il m'a chargé de te dire que tu les remettes à sa mère, et si, comme lui, tu avais le malheur de ne pas revoir la France, de vouloir bien en charger un autre. Aussitôt, devant la compagnie, le tambour, qui se nommait Patrice, tira de son sac tous les objets, en disant à Picard, « Je te les remets, mon vieux, tels que je les ai reçus de sa main. » C'est lui qui les tira de son sac, que nous remîmes ensuite sous sa tête. Il est mort un instant après. « C'est bien, dit Picard, si j'ai le bonheur de retourner en Picardie, je m'acquitterai des dernières volontés de mon camarade. » On recommença à marcher. Je dis adieu à mon vieux camarade, en lui promettant de le revoir le soir au bivac. J'attendis sur le côté du chemin que notre régiment passa, car l'on m'avait dit qu'il faisait l'arrière-garde. Après, les grenadiers suivaient plus de 30 000 hommes, ayant presque tous les pieds et les mains gelés, en partie sans armes, car ils n'auraient pu en faire usage. Beaucoup marchaient appuyés sur des bâtons. Généraux, colonels, officiers, soldats, cavaliers, fantassins de toutes les nations qui formaient notre armée marchaient confondus, couverts de manteaux et de pelisses brûlées et trouées, enveloppés dans des morceaux de drap, des peaux de mouton, enfin tout ce que l'on pouvait se procurer pour se préserver du froid. Ils marchaient sans se plaindre, s'apprêtant encore comme ils le pouvaient pour la lutte si l'ennemi s'opposait à notre passage. L'empereur au milieu de nous nous inspirait de la confiance et trouva encore des ressources pour nous tirer de ce mauvais pas. C'était toujours le grand génie, et tout malheureux que l'on était, partout avec lui, on était sûr de vaincre. Cette masse d'hommes laissait en marchant, toujours après elle, des morts et des mourants. Il me fallut attendre plus d'une heure avant que cette colonne fût passée. Après, il y eut encore une longue traînée des plus misérables qui suivaient machinalement à de grands intervalles. Cela était arrivé au dernier degré de la misère. Il ne devait pas même passer la Bérézina dont nous étions si près. J'aperçus un instant après le reste de la jeune garde, tirailleurs, flanqueurs et quelques voltigeurs qui avaient échappé à Krasnoé lorsque le régiment, commandé par le colonel Luron, fut devant nous écrasé par la mitraille et sabré par les cuirassiers russes. Ce régiment, confondu, marchait toujours en ordre. Derrière eux suivaient l'artillerie et quelques fourgons. Le reste du grand parc, commandé par le général Nègre, était déjà en avant. Un instant après parut la droite des fusiliers chasseurs, avec lesquels notre régiment formait une brigade. Le nombre en était encore beaucoup diminué. Notre régiment était encore séparé par de l'artillerie que les chevaux ne savaient plus traîner. Un instant après, j'aperçus la droite marchant sur 2 rangs, à droite et à gauche de la route, afin de rejoindre la gauche des fusiliers chasseurs. L'adjudant-major Roustan, le premier qui m'aperçut, me dit « Eh bien, pauvre Bourgogne, c'est donc vous ? L'on vous croit mort en arrière, et vous voilà vivant en avant ? Allons, tant mieux. N'avez-vous pas rencontré en arrière des hommes du régiment ?» Je lui répondis que depuis 3 jours, je voyageais dans les bois avec un second pour éviter d'être pris par les Russes. M. Serraris dit au colonel qu'il savait que, depuis le 22, j'étais resté en arrière, étant malade, et que s'il était surpris d'une chose, c'était de me revoir. Enfin arriva la compagnie, et j'avais repris mon rang à la droite, que mes amis ne m'avaient pas encore aperçu. Aussitôt qu'ils surent que j'étais là, ils vinrent auprès de moi me faire des questions auxquelles je n'avais pas la force de répondre, tant j'étais ému en me retrouvant au milieu d'eux, comme si j'eusse été dans ma famille. Il me disait qu'il ne concevait pas comment j'avais été séparé d'eux, et que cela ne serait pas arrivé s'il se fût aperçu que j'étais malade à ne pouvoir suivre. En jetant un coup d'œil sur la compagnie, je vis qu'elle était encore beaucoup diminuée. Le capitaine manquait. Tous les doigts de pied lui étaient tombés. Pour le moment, l'on ne savait pas où il était, quoique marchant avec un mauvais cheval qu'on lui avait procuré. Deux de mes amis, voyant que je marchais avec peine, me prirent sous les bras. Nous rejoignîmes les fusiliers chasseurs. Je ne me rappelle pas à aucune époque de ma vie avoir jamais eu autant envie de dormir, et cependant il fallait suivre. Mes amis me prirent encore sous les bras en me recommandant de dormir, chose que nous fûmes obligés de faire chacun notre tour, car le sommeil s'empara aussi d'eux. Il nous est arrivé plusieurs fois de nous trouver arrêtés et endormis tous les trois. Heureusement que le froid ce jour-là avait beaucoup diminué, car le sommeil nous aurait infailliblement conduit à la mort. Nous arrivâmes au milieu de la nuit dans les environs de Borisso. L'empereur se logea dans un château situé à droite de la route, et toute la garde bivaqua autour. Le général Roguet, qui nous commandait, s'empara de la serre du château pour y passer la nuit. Mes amis et moi, nous nous établîmes derrière. Pendant la nuit, le froid augmenta considérablement. Le lendemain, 26, dans la journée, nous allâmes prendre position sur les bords de la Bérézina. L'empereur était depuis le matin à Studianka, petit village situé sur une hauteur et en face. En arrivant, nous vîmes les braves pontonniers travaillant à la construction des ponts pour notre passage. Ils avaient passé toute la nuit travaillant dans l'eau jusqu'aux épaules au milieu des glaçons et encouragés par leur général. Ils sacrifiaient leur vie pour sauver l'armée. Un de mes amis m'a assuré avoir vu l'empereur leur présentant du vin. À 2 heures de l'après-midi, le premier pont fut fait. La construction fut pénible et difficile, car les chevalets s'enfonçaient toujours dans la vase. Aussitôt, le corps du maréchal Oudinot le traversa pour attaquer les Russes, qui auraient voulu s'opposer à notre passage. Déjà, avant que le pont fût fini, de la cavalerie du deuxième corps avait passé le fleuve à la nage. Chaque cavalier portait en croupe un fantassin. Le second pont pour l'artillerie et la cavalerie fut terminé à 4 heures. Un instant après notre arrivée sur le bord de la Bérézina, je m'étais couché enveloppé dans ma peau d'ours, et aussitôt je tremblais de la fièvre. Je fus longtemps dans le délire. Je croyais être chez mon père, mangeant des pommes de terre et une tartine à la flamande, et buvant de la bière. Je ne sais combien de temps je fus dans cette situation, mais je me rappelle que mes amis m'apportèrent, dans une gamelle, du bouillon de cheval très chaud, que je pris avec plaisir et qui, malgré le froid, me fit transpirer, car indépendamment de la peau d'ours qui m'enveloppait, mes amis, pendant que je tremblais, m'avaient couvert avec une grande toile cirée qu'ils avaient arrachée d'un dessus de caisson de l'état-major, sans chevaux. Je passai le reste de la journée et de la nuit sans bouger. Le lendemain, 27, j'étais un peu mieux, mais extraordinairement faible. Ce jour-là, l'empereur passa à la Bérézina avec une partie de la garde et environ 1000 hommes appartenant au corps du maréchal Ney. C'était une partie du reste de son corps d'armée. Notre régiment resta sur le bord. Je m'entendis appeler par mon nom. Je levai la tête et je reconnus M. Pugnot, directeur des postes et des relais de l'empereur, qui, en voyant le régiment où il savait que j'étais, s'était informé de moi. On lui avait dit que j'étais malade. Il venait non pour me donner des secours, puisqu'il n'avait rien pour lui-même, mais pour m'encourager. Je le remerciai de l'intérêt qu'il me témoignait, en ajoutant que je pensais que je ne passerais pas la Bérézina, que je ne reverrais plus la France, mais que lui-ci, plus heureux que moi, il avait le bonheur de retourner au pays. Je le priai de dire à mes parents dans quelle triste situation il m'avait vu. Il m'offrit de l'argent. Je le remerciai, car j'avais la valeur de 800 francs que j'aurais volontiers donné pour la tartine, les pommes de terre que j'avais cru manger chez moi. Avant de me quitter, il me montra de la main la maison où l'empereur avait logé, en me disant qu'il avait joué de malheur, car cette maison était un magasin de farine, mais que les Russes avaient tout emporté, de sorte qu'il n'avait rien à m'offrir. Il me donna une poignée de main et me quitta pour passer le pont. Lorsqu'il fut parti, je me rappelai qu'il m'avait parlé d'un magasin de farine dans la maison où avait logé l'empereur. Aussitôt je me lève, et quoique bien faible, je me traîne de ce côté. Il n'y avait pas longtemps que l'empereur en était sorti, et déjà l'on y avait enlevé toutes les portes. En y entrant, j'aperçus plusieurs chambres que je parcourus. Dans toutes, il était facile de voir qu'il y avait eu de la farine. J'entrai dans une où je remarquai que les planches étaient mal jointes. Il y avait plus d'un pouce d'intervalle. Je m'assis et avec la lame de mon sabre, je fis sortir autant de terre que de farine, que je mettais précieusement dans un mouchoir. Après un travail de plus d'une heure, j'en ramassai peut-être la valeur de 2 livres, où se trouvait un 1/8 de terre, de la paille et de petits morceaux de bois. N'importe. Dans ce moment, je n'y fis pas attention. Je sortis heureux et content. Comme je prenais la direction de notre bivouac, j'aperçus un feu où plusieurs soldats de la garde se chauffaient. Parmi eux était un musicien de notre régiment qui avait sur son sac une gamelle de fer blanc. Je lui fis signe de venir me parler. Mais comme il ne se souciait pas beaucoup de quitter sa place, ne sachant pas pourquoi je l'appelais, je lui montrai mon paquet en lui faisant comprendre qu'il y avait quelque chose dedans. Il se leva, quoique avec peine, et lorsqu'il fut près de moi, je lui dis de manière que les autres ne puissent l'entendre que s'il voulait me prêter sa gamelle, nous ferions des galettes que nous partagerions. Il consentit de suite à ma proposition. Comme il y avait beaucoup de feux abandonnés, nous en cherchâmes un à l'écart. Je fis ma pâte et 4 galettes. J'en donnai la moitié à mon musicien que je ramenai avec moi au régiment, toujours sur le bord de la Dérésina. En arrivant, je partageai avec ceux qui m'avaient conduit sous les bras, et comme elles étaient encore chaudes, ils les trouvèrent bonnes. Après avoir bu un peu d'eau bourbeuse de la Bérésina, nous nous chauffâmes en attendant l'ordre de passer les ponts. Auprès de notre feu était un soldat de la compagnie qui se mettait en grande tenue. Je lui en demandai la raison. Sans me répondre, il se mit à rire en me regardant. Cet homme était malade. Son rire était le rire de la mort, car il succomba pendant la nuit. Un peu plus loin, c'était un vieux soldat ayant 2 chevrons, ou si l'on veut, 15 ans de service. Sa femme était cantinière. Ils avaient tout perdu, voitures, chevaux, bagages, ainsi que 2 enfants morts dans la neige. Il ne restait plus à cette pauvre femme que le désespoir et son mari mourant. Cette malheureuse, jeune encore, était assise sur la neige, tenant sur ses genoux la tête de son mari mourant et sans connaissance. Elle ne pleurait pas, car chez elle la douleur était trop grande. Derrière elle et appuyée sur son épaule était une jeune fille de 13 à 14 ans, belle comme un ange, seul enfant qu'il leur restait. Cette pauvre enfant pleurait en sanglotant. Ses larmes tombaient et allaient se geler sur la figure froide de son père. Elle avait pour tout vêtement une capote de soldat sur une mauvaise robe et une peau de mouton sur les épaules pour la préserver du froid. Plus personne du régiment auquel ils appartenaient n'était là pour les consoler. Le régiment n'existait plus. Nous fîmes tout ce qui était possible en pareilles circonstances. Je n'ai pu savoir si cette malheureuse famille avait été secourue. De quelque côté que l'on se tournât, c'était tableau semblable. Les voitures et les caissons abandonnés nous fournissaient du bon bois, sec, pour nous chauffer. Aussi nous en profitâmes. Mes amis me demandèrent comment j'avais passé mes 3 jours d'absence. Ils me contèrent à leur tour que, le 23, lorsqu'ils étaient en marche sur la route qui traverse la forêt, ils aperçurent le 9e corps rangé en bataille sur la route et qui criait « Vive l'empereur !» qu'ils n'avaient pas vu depuis 5 mois. Ce corps d'armée, qui n'avait presque pas souffert et qui n'avait jamais manqué de vivre, fut saisi en nous voyant si malheureux. De même que nous, nous le fûmes en les voyant si bien. Ils ne pouvaient pas croire que c'était là l'armée de Moscou, cette armée qu'ils avaient vue si belle, si nombreuse, aujourd'hui misérable et réduite à si peu de monde. Le 2e corps d'armée, commandé par le maréchal Oudinot, ainsi que le 9e, commandé par le maréchal Victor, duc de Bélune, et les Polonais, par le général Dombrowski, n'avaient pas été à Moscou. Ils étaient restés en Lituanie, dans les cantonnements, mais depuis quelques jours ils se battaient contre les Russes, les avaient repoussés, et leur avaient pris une quantité considérable de bagages qui nous embarrassaient. Mais en se retirant, les Russes avaient brûlé le pont, le seul qui existait sur la Bérésina, ce qui arrêtait notre marche et nous tenait bloqués au milieu d'un marais, entre 2 forêts, tous réunis en masse, Français, Italiens, Espagnols, Portugais, Croates, Allemands, Polonais, Romains, Napolitains et même des Prussiens. Les cantiniers avec leurs femmes et leurs enfants au désespoir pleuraient. On a remarqué que les hommes avaient plus souffert que les femmes, moralement et physiquement. J'ai vu les femmes supporter avec un courage admirable toutes les peines et les privations auxquelles elles étaient assujetties. Il y en a même qui faisaient honte à certains hommes, qui ne savaient pas supporter l'adversité avec courage et résignation. Bien peu de ces femmes succombèrent, moins celles qui tombèrent dans la Bérésina en passant le pont, ou qui furent étouffées. À l'entrée de la nuit, nous fûmes assez tranquilles. Chacun s'était retiré dans ses bivacs, et, chose étonnante, plus personne ne se présentait pour passer le pont. Pendant toute la nuit, du 27 au 28, il fut libre. Comme nous avions du bon feu, je m'endormis. Mais au milieu de la nuit, la fièvre me reprit, et j'étais encore dans le délire, lorsqu'un coup de canon me réveilla. Il faisait jour. Il pouvait être 7 heures. Je me levai, je pris mes armes, et sans rien dire, ni prévenir personne, je me présentai à la tête du pont, et je traversai absolument seul. Je n'y rencontrai personne que des pontonniers qui bivaquaient sur les deux rives pour y remédier. Lorsqu'ils y arrivaient, quelque accident. Lorsque je fus de l'autre côté, j'aperçus sur ma droite une grande baraque en planches. C'était là où l'empereur avait couché, et où il était encore. Comme j'avais froid à cause de ma fièvre, je me présentai à un feu où étaient plusieurs officiers, occupés à regarder sur une carte. Mais je fus si mal reçu que je dus me retirer. Pendant ce temps, un soldat du régiment qui m'avait aperçu vint me dire que le régiment venait de traverser le pont et qu'il était allé se mettre en bataille en seconde ligne derrière le corps du maréchal Oudinot, qui se battait sur notre gauche. Comme le canon grondait et que les boulets arrivaient jusqu'à l'endroit où j'étais, je me disposais à rejoindre le régiment, me disant qu'il valait mieux mourir d'un coup de boulet que de froid ou de faim. J'avançais dans le bois. Chemin faisant, je rencontrai un caporal de la compagnie qui se traînait avec peine. Nous arrivâmes au régiment en nous tenant par le bras, pour nous soutenir mutuellement. À quelques pas de la compagnie, il y avait un feu. Comme il tremblait beaucoup de la fièvre, je le conduisis auprès. À peine y étions-nous qu'un boulet de 4 atteint mon pauvre camarade à la poitrine et l'étant raide mort au milieu de nous. Le boulet n'avait pas traversé, il était resté dans son corps. Lorsque je le vis mort, je ne pus m'empêcher de dire assez haut « Pauvre Marcelin, tu es bien heureux ». Au même instant, le bruit courut que le maréchal Oudinot venait d'être blessé. En voyant tomber cet homme du régiment, le colonel était accouru près du feu, et voyant que j'étais fort malade, il m'ordonna de retourner près de la tête du pont, d'y attendre tous les hommes qui se trouvaient en arrière, et de les réunir pour rejoindre le régiment. Lorsque j'y arrivai, le plus grand désordre y régnait déjà. Les hommes qui n'avaient pas voulu profiter de la nuit ou d'une partie de la matinée venaient, depuis qu'ils entendaient le canon, se jeter en foule sur les bords de la Bérézina afin de traverser les ponts. J'y étais arrivé lorsqu'un caporal de la compagnie nommé Gros-Jean, qui était de Paris et dont je connaissais la famille, vint à moi, tout en pleurant, me demander si je n'avais pas vu son frère. Je lui répondis que non. Alors il me conta que depuis la bataille de Krasnoé, il ne l'avait pas quitté, à cause qu'il était malade de la fièvre, mais que ce matin, au moment de passer le pont, par une fatalité dont il ne pouvait se rendre compte, il en avait été séparé. Que le croyant en avant, il avait été de tous côtés pour le retrouver, le demandant à ses camarades. Que ne le trouvant pas à la position où était le régiment, il allait repasser le pont, et qu'il fallait qu'il le retrouve ou qu'il périsse. Voulant le détourner d'une résolution aussi funeste, je l'engage à rester près de moi à la tête du pont, où probablement nous verrions son frère lorsqu'il se présenterait. Mais ce brave garçon se débarrasse de ses armes et de son sac en me disant que, puisque j'avais perdu le mien, il me faisait cadeau du sien. S'il ne revenait pas, que pour des armes il n'en manquait pas de l'autre côté. Alors il va pour s'élancer à la tête du pont. Je l'arrête. Je lui montre les morts et les mourants dont le pont est déjà encombré et qui empêchent les autres de traverser en les attrapant par les jambes, roulant ensemble dans la Bérézina, pour reparaître ensuite au milieu des glaçons et disparaître aussitôt pour faire place à d'autres. Gros-Jean ne m'entendait pas. Les yeux fixés sur cette scène d'horreur, il croit apercevoir son frère sur le pont qui se débat au milieu de la foule pour se frayer un chemin. Alors, n'écoutant que son désespoir, il monte sur les cadavres d'hommes et de chevaux qui obstruaient la sortie du pont et s'élance. Les premiers le repoussent en trouvant un nouvel obstacle à leur passage. Il ne se rebute pas. Gros-Jean était fort et robuste. Il est repoussé jusqu'à 3 fois. À la fin, il atteint le malheureux qu'il croyait son frère. Mais ce n'était pas lui. Je voyais tous ses mouvements, je le suivais des yeux. Alors, voyant sa méprise, il n'en est que plus ardent à vouloir atteindre l'autre bord. Mais il est renversé sur le dos, sur le bord du pont, et prêt à être précipité en bas. On lui marche sur le ventre, sur la tête. Rien ne peut l'abattre. Il retrouve de nouvelles forces et se relève en saisissant par une jambe un cuirassier qui, à son tour, pour se retenir, saisit un autre soldat par un bras. Mais le cuirassier, qui avait un manteau sur les épaules, s'embarrasse dedans, chancelle, tombe et roule dans la Bérézina. entraînant avec lui Gros-Jean et celui qui le tenait par le bras. Ils vont grossir le nombre des cadavres qu'il y avait au-dessous et des deux côtés du pont. Le cuirassier et l'autre avaient disparu sous les glaçons, mais Gros-Jean, plus heureux, avait saisi un chevalet où il se tenait cramponné et contre lequel se trouvait en travers un cheval sur lequel il se mit à genoux. Il implorait le secours de ceux qu'il ne l'écoutait pas, mais des sapeurs du génie et des pontonniers qui avaient fait les ponts lui jetèrent une corde qui eut assez d'adresse pour saisir et de force pour tenir, et se l'attacha autour du corps. Ensuite, de chevalet en chevalet, sur les cadavres qui étaient dans l'eau et sur les glaçons, les pontonniers le retirèrent à l'autre bord. Mais je ne le revis plus. J'ai su le lendemain qu'il avait retrouvé son frère à une demi-lieue de là, mais expirant et que lui-même était dans un état désespéré. Ainsi périrent ses deux bons frères et un troisième qui était dans le deuxième lancier. À mon retour à Paris, j'ai revu leur famille qui est venue me demander des nouvelles de ses enfants. Je n'ai pu que lui laisser une lueur d'espérance en lui disant qu'ils étaient prisonniers, mais j'étais certain qu'ils n'existaient plus. Pendant ce désastre, des grenadiers de la garde parcouraient les bivacs. Ils étaient accompagnés d'un officier. Ils demandaient du bois sec pour chauffer l'empereur. Chacun s'empressait de donner ce qu'il avait de meilleur. Même des hommes mourants levaient encore la tête pour dire « Prenez pour l'empereur ». Il pouvait être 10 heures. Le second pont désigné pour la cavalerie et l'artillerie venait de s'abîmer sous le poids de l'artillerie, au moment où il y avait beaucoup d'hommes dessus, dont une grande partie périt. Alors le désordre redoubla, car tous se jetant sur le premier pont, il n'y avait plus possibilité de se frayer un passage. Hommes, chevaux, voitures, cantiniers avec leurs femmes et leurs enfants, tout était confondu et écrasé, et malgré les cris du maréchal Lefebvre, placé à l'entrée du pont pour maintenir l'ordre autant que possible, il lui fut impossible de rester. Il fut emporté par le torrent et obligé, avec tous ceux qui l'accompagnaient, pour éviter d'être écrasé ou étouffé, de traverser le pont. J'avais déjà réuni 5 hommes du régiment, dont 3 avaient perdu leurs armes dans la bagarre. Je leur avais fait faire du feu. J'avais toujours les yeux fixés sur le pont. J'en vis sortir un homme enveloppé d'un manteau blanc, poussé par ceux qui le suivaient. Il alla tomber sur un cheval abattu, sur la gauche du pont. Il se releva avec beaucoup de peine, fit encore quelques pas, tomba de nouveau, se releva de même, pour venir ensuite retomber près de notre feu. Il resta un instant dans cette position. Pensant qu'il était mort, nous allions le mettre à l'écart et prendre son manteau. Mais il leva la tête en me regardant. Alors il se mit sur les genoux, il me reconnut. C'était l'armurier du régiment. Il se mit à se lamenter en me disant « Ah, mon sergent, quel malheur! J'ai tout perdu, chevaux, voitures, lingots, fourrures. Il me restait encore un mulet que j'avais amené d'Espagne. Je viens d'être obligé de l'abandonner. Il était encore chargé de mes lingots et de mes fourrures. J'ai passé le pont sans toucher les planches, car j'ai été porté, mais j'ai manqué de mourir. » Je lui dis qu'il était encore très heureux et qu'il devait remercier la Providence s'il arrivait en France, pauvre mais avec la vie. Le nombre d'hommes qui arrivaient autour de notre feu nous força de l'abandonner et d'en recommencer un autre, quelques pas en arrière. Le désordre allait toujours croissant, mais ce fut bien pis un instant après, lorsque le maréchal Victor fut attaqué par les Russes et que les boulets et les obus commençaient à tomber dans la foule. Pour comble de malheur, la neige recommença avec force, accompagné d'un vent froid. Le désordre continua toute la journée et toute la nuit, et pendant ce temps la Bérésina charriait avec les glaçons les cadavres d'hommes et de chevaux et des voitures chargées de blessés qui obstruaient le pont et roulaient en bas. Le désordre devint plus grand encore lorsque, entre 8 heures et 9 heures du soir, le maréchal Victor commença sa retraite. Ce fut sur un mont de cadavres qu'il put, avec sa troupe, traverser le pont. Une arrière-garde faisait partie du 9e corps était encore resté de l'autre côté et ne devait quitter qu'au dernier moment. La nuit du 28 au 29 offrait encore à tous ces malheureux sur la rive opposée la possibilité de gagner l'autre bord, mais engourdis par le froid, ils restèrent à se chauffer avec les voitures que l'on avait abandonnées et brûlées exprès pour les en faire partir. Je m'étais retiré en arrière avec 17 hommes du régiment et un sergent nommé Rossière. Un soldat du régiment le conduisait. Il était devenu pour ainsi dire aveugle, et il avait la fièvre. Par pitié, je lui prêtais ma peau d'ours pour se couvrir, mais il tomba beaucoup de neige pendant la nuit. Elle se fondait sur la peau d'ours par suite de la chaleur du grand feu, et par la même raison se séchait. Le matin, lorsque je fus pour la reprendre, elle était devenue tellement dure qu'il me fut impossible de m'en servir. Je dus l'abandonner. mais voulant qu'elle fût encore utile, j'en couvris un homme mourant. Nous avions passé une mauvaise nuit. Beaucoup d'hommes de la garde impériale avaient succombé. Il pouvait être 7 heures du matin. C'était le 29 novembre. J'allais encore auprès du pont afin de voir si je rencontrerais des hommes du régiment. Ces malheureux qui n'avaient pas voulu profiter de la nuit pour se sauver venaient, depuis qu'il faisait jour, mais trop tard, se jeter en masse sur le pont. Déjà l'on préparait tout ce qu'il fallait pour le brûler. J'en vis plusieurs qui se jetèrent dans la Bérézina, espérant la passer à la nage sur les glaçons, mais aucun ne put aborder. On les voyait dans l'eau jusqu'aux épaules, et là, saisis par le froid, la figure rouge, ils périssaient misérablement. J'aperçus sur le pont un cantinier portant un enfant sur sa tête. Sa femme était devant lui, jetant des cris de désespoir. Je ne pus en voir davantage, c'était au-dessus de mes forces. Au moment où je me retirais, une voiture, dans laquelle était un officier blessé, tomba en bas du pont avec le cheval qui la conduisait, ainsi que plusieurs hommes qui l'accompagnaient. Enfin, je me retirai. On mit le feu au pont. C'est alors, dit-on, que des scènes impossibles à peindre se sont passées. Les détails que je viens de raconter ne sont que l'esquisse de l'horrible tableau. Je venais d'être prévenu que le régiment allait passer. Il venait de quitter la position de la veille. Je fis prendre les armes aux hommes, réunis au nombre de 23, sans compter notre armurier. Lorsque le régiment passa, chacun entra dans sa compagnie. Nous étions en marche. Il pouvait être 9 heures. Nous traversâmes un terrain boisé et coupé par des marais que nous passâmes sur des ponts construits en bois de sapin résineux de 2000 pieds de longueur, que les Russes n'avaient pas eu, heureusement pour nous, le bonheur de brûler. L'on s'arrêta pour attendre ceux qui étaient encore derrière. Il se faisait un peu de soleil. Je m'assis sur le sac de Gros-Jean et je m'endormis. Mais un officier, M. Favin, s'en étant aperçu, vint me tirer par les oreilles, par les cheveux. D'autres me donnaient des coups de pied dans le derrière, sans pouvoir m'éveiller. Enfin, il fallut que plusieurs prennent le parti de me lever, car c'en était fait. Mon sommeil était celui de la mort, et cependant j'étais fâché que l'on m'eût réveillé. Beaucoup d'hommes que l'on croyait perdus arrivaient encore des bords de la Bérézina. Il n'y en avait qui s'embrassaient, se félicitaient, comme si l'on venait de passer le Rhin, dont nous étions encore éloignés de 400 lieues. On se croyait tellement sauvé que, revenu à des sentiments moins indifférents, on plaignait et on regrettait ceux qui avaient eu le malheur de rester en arrière. Pour ne plus m'endormir, on me conseilla de marcher un peu en avant. C'est ce que je fis.